avance, mais soit déjà tout un bon week-end. On se quitte avec la douceur dans la voix de Tracy Chapman. Bientôt. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Vous écoutez Réunion Première, il est 10h, France Info. Le journal Nicolas Taillard, bonjour. Bonjour. Des heures de discussion, pour rien, retour à la case départ entre Lactalis et les producteurs de lait. Les négociations d'hier ont échoué, les blocages vont continuer. Le point final attendu sur la controverse de l'été, le Conseil d'État tranche aujourd'hui la question du burkini, l'interdire ou non sur les plages. Le gouvernement se divise sur le sujet, François Hollande n'a pas encore tranché. Dans ce journal encore, cette chasse à la fraîcheur dans les régions frappées par les grosses chaleurs, la ville de Paris réfléchit même à l'adaptation des bâtiments pour faire baisser les températures. Et puis Patrice Evra, en bleu, une image peut-être désormais rangée dans les archives. Le défenseur ne fait pas partie de la liste dévoilée hier par Didier Deschamps. France Info. Et pour commencer donc, ces négociations à l'arrêt sur le prix du lait. 10 heures de discussion hier entre producteurs et représentants du groupe Lactalis en quittant la table bien après minuit. Les négociateurs n'avaient pas trouvé de compromis. Les producteurs restent remontés contre le prix d'achat fixé par le géant laitier. Tarif que le médiateur a tenté de faire grimper, mais l'effort que Lactalis a concédé ne permettait pas aux producteurs de s'y retrouver. Le blocage de l'usine de Laval va donc se poursuivre en Mayenne, où des centaines de tracteurs s'étaient massés hier soir. Germain Treille. Un puissant projecteur éclaire dans la nuit le chapiteau dressé sur un rond-point en face de l'usine Lactalis. Certains éleveurs sont là depuis des heures, ils discutent, jouent aux cartes, boivent une bière, cherchent à savoir ce qui se passe à Paris, et puis vers 1h30 du matin. Il y a eu plusieurs suspensions de séances pour finalement un échec. Échec, le mot qu'il ne voulait surtout pas entendre. La faute au PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, homme discret et intransigeant. Maintenant, il va falloir qu'il cède. De toute façon, partir d'ici, c'est crever. Et Monsieur Beignet, il va être grand temps, je vous le dis, grand temps que vous alliez, vous, à la table des négociations et que vous déballiez un petit peu sur la table. Vous pouvez plus laisser vos sbires, essayer de commander. Maintenant, c'est à vous de venir. Assis à une table, un jeune exploitant fait la moue et semble résigné. J'ai même pas de mots pour décrire ça. C'est dégueulasse ce qu'ils font. Laisser les gens dans la merde comme ça, c'est honteux. Un peu d'abattement sur le coup, mais aussitôt, la FNSEA affirme que le blocage du site Lactalis va se poursuivre. Je vous demande à tous et à toutes de rester mobilisés. Les tours de garde sont sur les tables. On est bouclé jusqu'à lundi soir. Et s'il faut boucler la semaine d'après, on bouclera la semaine d'après. Rien n'est perdu, assure le syndicat agricole. De nouvelles discussions pourraient même avoir lieu prochainement, indique-t-il. précision de Germain Treille. L'interdiction du burkini sur les plages est-elle conforme à la loi? Le Conseil d'État doit donner sa réponse aujourd'hui. Les magistrats se basent sur l'arrêté pris par le maire de Villeneuve-Loubet, mais leur réponse dépassera largement le cas de la commune des Alpes-Maritimes. Après des semaines de controverses alimentées par les réactions politiques et médiatiques, le débat a pris une ampleur qui a même dépassé nos frontières. Il est arrivé jusqu'à Londres, dont le nouveau maire était hier de passage à Paris. Sadiq Khan, qui a donné sa position comme musulman, mais avant tout, dit-il, comme défenseur des droits des femmes. I'm a proud feminist. I've seen over the last few decades. Je suis fier d'être féministe. J'ai pu constater au cours de ces dernières décennies le combat des femmes dans mon pays et partout ailleurs dans le monde, un combat pour avoir le droit d'étudier ce qu'elles veulent étudier, pour choisir le travail qu'elles vont exercer, pour choisir ce qu'elles font de leur corps et pour choisir quels vêtements elles portent ou ne portent pas. Et je pense que personne ne doit dicter aux femmes ce qu'elles doivent porter ou ne pas porter. J'ai conscience que la France est sous état d'urgence. J'ai conscience de l'énorme défi posé aux autorités françaises. Mais c'est clair, dans mon esprit, personne ne doit dicter aux femmes ce qu'elles doivent porter. Le maire de Londres, Sadiq Khan, qui critique ces interdictions, position adoptée par plusieurs figures de la majorité, même par certains membres du gouvernement. Manuel Valls avait pourtant, lui, soutenu les maires qui prenaient ces arrêtés. Et pour l'instant, Louise Baudet, pas de position tranchée du côté de l'Élysée. Ni provocation, ni stigmatisation et zéro prise de risque pour François Hollande. Le président refuse d'arbitrer un débat qui divise sa propre majorité. D'un côté, Manuel Valls soutient mordicus les fameux arrêtés au nom de l'ordre public, mais aussi de la lutte contre l'islamisme radical. Pour lui, le burkini est un défi à la République, une arme des salafistes contre notre mode de vie. Face à lui, Najat Vallaud-Belkacem, mais aussi Marisol Touraine, ministre et féministe convaincue, sont contre les arrêtés au nom des libertés individuelles et parce qu'ils libèrent la parole raciste. Laïcité de combat contre laïcité plus ouverte. À gauche, le débat n'est pas nouveau. Du voile à l'école interdit en 2004, au voile intégral interdit en 2010. À chaque fois, Manuel Valls est en pointe, mais aussi bien seul à gauche. Aujourd'hui, les attentats rendent le sujet autrement plus porteur. Le Premier ministre l'a compris, Nicolas Sarkozy aussi, qui en fait la matrice de sa campagne présidentielle et réclame l'interdiction du voile à l'université, dans l'administration, mais aussi dans les entreprises, soit tout près de l'interdiction générale défendu par le Front National. Nicolas Sarkozy qui réclame même une loi contre le burkini, l'ancien chef de l'État qui tenait son premier meeting de campagne à Château-Renard hier soir. Il a répété sa volonté de suspendre également le regroupement familial en cas de retour au pouvoir. Il est 8h05 sur France Info. En Italie, le bilan du séisme de mercredi se stabilise. 250 morts, dont 8 étrangers. C'est le dernier bilan donné par les autorités sur le terrain. L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Les équipes de secours continuent néanmoins de fouiller le moindre recoin et de soulever les gravats sous les décombres. Une prise stratégique pour l'armée irakienne. Après 3 jours de combat, elle a pu reprendre la ville de Karaya à l'État islamique. C'était l'un des derniers obstacles sur la route de Mossoul, fief de l'organisation en Irak. Et puis cet atelier de piratage de cartes bleues démantelé par la PJ de Rouen. 5 hommes originaires d'Europe de l'Est ont été interpellés. Une équipe parfaitement rodée qui piégeait les distributeurs mais qui fabriquait aussi de fausses cartes dans un appartement d'Aubervilliers en région parisienne. Les enquêteurs sont tombés sur un matériel ultra perfectionné. Difficile pour l'instant d'estimer le nombre de victimes de l'escroquerie. 43 départements, toujours en alerte orange à la canicule. Des départements du nord de la région parisienne, du Grand Est et d'une partie du Sud-Ouest. La température est restée très douce cette nuit. Elle dépassera rapidement les 30 degrés dans la matinée. Pour la baisse, il faudra attendre dimanche. En attendant, la ville de Paris, elle pense à l'avenir. Comment lutter contre la chaleur en ville? Comment faire baisser la température la nuit? Pour trouver des solutions, un avion est mis à contribution. Équipé d'une caméra thermique, il survole la capitale. Et les données recueillies doivent permettre d'adapter l'urbanisme pour rafraîchir l'atmosphère. Solène Lehen. En ville, ce qui crée la fournaise, c'est la densité de population, la production d'électricité et les matériaux. Le béton et les façades aux couleurs sombres, par exemple, stockent la chaleur en journée et la restituent la nuit. A l'inverse, les rivières, les points d'eau et les parcs rendent l'atmosphère plus fraîche. Yann Françoise, de la direction des espaces verts de la mairie de Paris. Pendant la grande canicule de 2003, il y avait 8 degrés de différence entre le cœur du bois de Boulogne ou de Vincennes et les îlots de chaleur les plus importants de Paris. Les survols en avion vont permettre de mieux étudier ce phénomène. On va avoir une vue globale qui va nous permettre de mieux comprendre la diffusion de ces îlots de fraîcheur et de mieux comprendre si c'est dû à la qualité arborée, c'est dû à la qualité du sol, c'est dû à un urbanisme où les vents pénètrent un peu plus qu'ailleurs, parce que maintenant on fait des études éoliennes dans les nouveaux quartiers pour mieux essayer de voir les courants éoliens et de rafraîchir le quartier pendant ces périodes chaudes. La solution principale, végétaliser. Les données récoltées vont permettre de localiser précisément les zones où il faut planter, sur les toits, sur les façades, dans les parcs, mais aussi quelles espèces. Un chêne centenaire, par exemple, comme on a dans les Buttes-Chaumont, va avoir une capacité de produire beaucoup plus d'ombre sur la pelouse en dessous de lui qu'un sapin. Et avec le réchauffement climatique, il va falloir aussi trouver des espèces d'arbres qui pourront résister et vivre plus de 50 ans. Solène Lehen, un peu de fraîcheur, tiens, dans le groupe France, c'est le message envoyé par Didier Deschamps qui dévoilait hier sa liste de 23 joueurs retenus pour affronter la semaine prochaine l'Italie. Puis la Biélorussie, liste où ne figurait pas Patrice Evra, 35 ans, le défenseur aux 80 sélections et le grand absent et peut-être pour longtemps Martin Lemaire. Patrice Evra n'est ni blessé ni suspendu, il a même joué avec son club de la Juventus le week-end dernier. La raison de cette absence est à chercher ailleurs. À 35 ans, Evra a été le plus âgé des joueurs français pendant l'Euro 2016 et le temps est peut-être venu de laisser la place aux jeunes en vue de la Coupe du Monde 2018. C'est en tout cas l'argument de la jeunesse qui a retenu Didier Deschamps pour justifier cette non-convocation. Patrice est toujours à son niveau, mais je dois me projeter sur une Coupe du Monde qui a lieu dans 2 ans, donc Patrice a son âge. Ça me semblait important dès le départ de pouvoir donner du temps de jeu, de la responsabilité à des joueurs plus jeunes pour leur permettre de s'aguerrir, de franchir des paliers aussi. C'est pas en les prenant dans le groupe et sans jouer qu'ils pourront s'affirmer ou s'améliorer. Les jeunes joueurs dont parle le sélectionneur français sont Lévin Kurzawa et Lucas Digne qui évoluent au même poste que Patrice Evra. Reste maintenant à savoir si cette éviction est définitive. Si tel était le cas, Patrice Evra a donc disputé son dernier match sous le maillot bleu lors de la finale de l'Euro remportée par le Portugal. Martin Lemaire et puis les clubs français connaissent leurs adversaires en Ligue des Champions pour cette saison. Paris retrouvera Arsenal, Bâle et Ludogorets, Lyon hérite de Séville, Zagreb et la Juventus. Pour Monaco, ce sera Tottenham, Leverkusen et le CSKA Moscou. Et Saint-Etienne jouera bien aussi la Ligue Europa de son côté. Merci Nicolas Taillard. Bonjour à tous, bienvenue sur la première, il est 10h10. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Les nuages ont un peu de mal à quitter le ciel. En revanche, dans l'ouest, il continue de faire beau. Dans l'après-midi, il fera surtout magnifique, un temps magnifique, sur, notamment dans le sud, sur les plages, du gris et des averses sur les plaines. Dans l'est et dans le nord, ciel mitigé au volcan. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Hier, dans la troisième pour le prix de Tourgeville, il fallait trouver le 3, le 12, le 8, le 2, le 16, 3, 12, 8, 2 et le 16. Et aujourd'hui, sur l'hippodrome de Cabourg, dans la première course pour le prix de l'Académie internationale du cheval du Haras de Pain. Et pour un montant de 4 200 000 euros, voici les pronostics de Pascal Maillot. Le 8, le 12, le 7, 3, 15, 4, 14 et le 6. 8, 12, 7, 3, 15, 4, 14 et le 6. Une association se gère-t-elle comme une entreprise? Comment mettre toutes les chances de son côté pour éviter de se retrouver dans des ennuis? Quelles sont les aides possibles? Qu'en est-il de la gestion financière de l'association? Comment gérer des conflits? Qu'en est-il du licenciement dans le monde associatif? Et quels sont les droits et surtout les devoirs de l'employeur dans ce milieu associatif? Merci de nous faire part de vos difficultés. Il serait bien de vous entendre au standard de la première, au 02 62 99 2000. Et pour répondre à vos questions, nous faisons appel ce matin des experts. Je vous les présente dans moins de 5 minutes. Vous pouvez aussi nous laisser des réactions par SMS au 06 92 70 2000. Oh, laisse-moi aller souvent livrer mon péatane. Laisse tomber ton passé pour nous rêver comme avant. Mon passé si mon trouve ce trace. Mon passé pour éviter ce trace. Mon trouve mon joli lady. Il paraît comme une jolie mélodie. Lis dans mon la tête. Ça m'est dit pour bon de moi. Mon trouve lit encore plus joli. Quand l'in habille en reggae. Lis suis moi. Ça tout fois mon faire un voyage bien loin du courrier. Moulé, mélodie. Li dans mon la tête, ça m'est dit bon bon tout moi. Mon trouve li encore plus joli quand li habille en reggae. Li suis moi. Ça fois mon faire un voyage bien loin du courrier. Moulé, mélodie. Moti lady. Dis-toi qui donne mon la vie, ça m'est mon bon bon donne-toi. Disant que ma la vie jolie, et mon sang dans ton côté. Même l'orage, même tempête, quand mon arrêt avance, me trouver sa soleil qui m'a chapiata. Dis donc mon la tête, ça m'est dit bon bon donne-moi. Mon trouve li encore plus joli, quand l'île habille en reggae, li suis moi. Ça couvre mon père un voyage bien loin, li pourrait. Moulé, mélodie. Li dans mon la tête, ça m'est dit bon bon tout moi. Vous trouvez li encore plus joli, quand l'île habille en reggae, li suis moi. Ça couvre mon père un voyage bien loin, li pourrait. Moulé, mélodie. Mou laisse-moi aller souvent, livrer mon père à tan. Laisse-moi vite en passer, vous nous réfère, vous maman. Mon patient si mon trouve sa trace, mon patient pour éviter sa trace. Mon trouve mon joli lady, il paraît que mène joli mélodie. Li dans mon la tête, ça m'est dit bon bon tout moi. Mon trouve li encore plus joli, quand l'île habille en reggae, li suis moi. Ça couvre mon faire un voyage bien loin, li courait, mon lady mélodie. Li dans mon la tête, ça m'est dit bon bon tout moi. Mon trouve li encore plus joli, quand l'île habille en reggae, li suis moi. Ça couvre mon faire un voyage bien loin, li courait, mon lady mélodie. Li dans mon la tête, ça m'est dit bon bon tout moi. Mon trouve li encore plus joli, quand l'île habille en reggae, li suis moi. Mon père elle voyage bien loin, li courait, mon lady mélodie. Li dans mon la tête, ça m'est dit bon bon tout moi. Mon trouve li encore plus joli, quand l'île habille en reggae, li suis moi. Ça couvre mon père elle voyage bien loin, li courait, mon lady mélodie. Il est 10h15 sur la première. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion première. Ôtez Réunionnais. Dans l'année là, encore une fois, l'Office du tourisme de Rodrigue lui donne à notre rendez-vous le 25 août, pont de mer Saint-Pierre, de 10h à 20h, le 26 août, 10h à 20h, au marché de Saint-Paul, et le 27, de 13h à 16h, la salle de fête du 12e kilomètre, le Tampon. Viens nombreux, découvrez notre culture et notre cuisine locale, animation assurée par Ban Rodrigue, y compris au Bergade. On s'intéresse au monde associatif dans la première jusqu'à 11h30 avec nos experts. Nous recevons ce matin Marcelino Burel, c'est le président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables. Philippe Gay, commissaire aux comptes, président de la commission Association et Fondation de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Danny Hove, directeur de l'association Incube GE974, incubateur de groupements d'employeurs. On en parlera tout à l'heure. Et puis nous attendons notre quatrième invité. Et c'est Catherine Fontaine qui est présidente de l'association en distraction, sportive et bénédictine. Les questions, les réactions au standard de la première au 02 62 99 2000. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci bonjour. D'être avec nous et merci d'être là aussi pour rassurer les auditeurs. Marcelino Burel, vous étiez présent, donc tous présents en fait, hein, vous 3, notamment à la journée des associations hier à la Nordève. Une troisième édition qui a été très très bien suivie, il semblerait. Exact. Ben pour la succès. C'est... Je pense qu'on peut dire ça, oui. Pour la troisième édition, on a, 300... on a 300 personnes en salle. Je pense qu'on peut dire, oui, que c'est une opération réussie. Et surtout qu'on a créé là un espace destiné à élever, on va dire, un petit peu la culture économique des dirigeants d'associations. Et cet espace est venu, je crois, combler un vide, oui. Ouais, alors, tous ceux qui se sont déplacés, c'était des responsables d'associations, petites, grosses associations, tout... ils étaient tous là hier, hein, c'est ça? Tout à fait. Il y avait de toutes tailles. Alors, on s'adressait effectivement aux dirigeants, tant bénévoles que salariés. On va certainement parler un peu de ça, j'imagine, hein, c'est une notion. En l'occurrence, on avait des petites associations, qu'on entend petites, c'est-à-dire qui emploient moins de 10 salariés, voire même moins de 5 salariés, et des grosses associations qui emploient plus de 50 salariés. Donc on avait de tout en salle. Les questions que les gens se posaient hier, notre sujet, les questions qui revenaient très souvent, surtout. Notre sujet, c'était la fonction employeur. La fonction employeur. Voilà. Et il s'agissait effectivement de trouver comment on gère plus particulièrement l'équilibre subtil lorsqu'on manage, on va dire, à la fois des salariés et des bénévoles sur des actions. Puisqu'il y en a un qui est payé, l'autre pas. Et les motivations ne sont pas forcément les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes non plus. C'est là qu'arrivent parfois les conflits. Hein. En l'occurrence, oui. Philippe Gay, votre sentiment un petit peu après cette journée d'hier. Vous êtes présent aussi pour répondre aux questions des auditeurs, hein, puisqu'on est sur ce milieu associatif, sur la fonction employeur dans le milieu associatif. Comment gérer des conflits, notamment des licenciements, etc. Donc les ressources humaines, on est là pour en parler, pour vous aider, pour vous éclairer aussi, vous qui avez un peu de problème à mener votre association, donc au 02 62 99. 2000. Philippe Gay. Alors, mon sentiment, effectivement, c'est que j'ai remarqué que hier, pour la troisième édition, des associations venaient pour la première fois. Donc, c'est ce qui démontre encore l'attrait de cette manifestation. Le fait également que maintenant, ce rendez-vous est ancré dans l'esprit des associations réunionnaises et que chaque année, maintenant, les dirigeants d'associations ont mémorisé ce rendez-vous. Alors pour ma part, donc comme chaque année, je consacre une première partie à l'actualité de l'année écoulée, l'actualité juridique, réglementaire, toutes les publications qui émanent de la part des ministères et des administrations, et je les commente. Et Dieu sait si cette année l'actualité a encore été très riche dans ce domaine. Et puis on a, compte tenu du thème de cette année, donc complété cette actualité avec une présentation justement des précautions qu'il faut prendre pour bien faire la distinction entre le contrat de travail et le contrat du bénévole, puisque les deux, passer d'un statut à l'autre peut parfois être un risque de dérapage et un risque également en matière d'URSSAF et de taxation diverses et variées à toutes les autres cotisations. Avant d'entendre Danny Hove, nous avons des réactions notamment sur les réseaux sociaux. Alors Didi qui nous dit, parce qu'on est toujours sur le milieu associatif, lorsque la directrice financière a la main facile, bonjour les dégâts. Marcelino Burel. Bon, je crois comprendre. Ce n'est pas un cas isolé non plus. Hein, ça. Oui, tout à fait. Je crois comprendre que dans sa question, il voulait dire qu'il peut y avoir des tentations à détournement de fonds dans les associations. Ce qui plombe aussi l'association en général. Tout à fait, mais ce n'est pas spécifique aux associations. Finalement, le problème, c'est que je crois qu'on pose un souci de vérifier comment on organise dans une association ou dans une entreprise quelconque les fonctions et le contrôle, le système, ce qu'on appelle le système de contrôle interne, et qui permet de garantir justement, notamment l'exhaustivité, en l'occurrence ici, des recettes, par exemple. Les associations comme les autres doivent effectivement s'inquiéter, et notamment quand il y a un directeur ou une directrice qui est cité ici, qui risque de frôler le plein pouvoir. Et là, on peut voir effectivement tout et n'importe quoi si on ne crée pas des conditions de contre-pouvoir dans l'association et de contrôle. Il faut rappeler qu'il y a un trésorier dans une association, pas que la directrice. Donc il faut qu'il y ait un travail effectivement aussi effectué par le trésorier. Un travail commun. Mais alors, on doit gérer l'association comme une entreprise. Tout à fait. Oui. Exactement pareil. J'allais dire, c'est pas tout à fait pareil, c'est peut-être même plus difficile qu'une entreprise. Plus difficile qu'une entreprise. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, elle peut se permettre, entre guillemets, se permettre de faire des déficits. Parce que si je fais des déficits cette année, je peux estimer que je vends mes chaussures un peu plus chères l'année suivante pour faire des bénéfices. D'accord. Par contre, quand je suis une association, si j'ai fait des déficits cette année, personne ne me paye. Par contre, si je fais des excédents, je dois restituer, le cas échéant, les subventions. Je parle d'associations subventionnées. Donc, son exercice est plus compliqué. C'est un exercice à l'équilibre. Alors, est-ce que l'entreprise peut se permettre de faire des exercices déficitaires suivis d'exercices bénéficiaires? Oui. Denis Hove, oui, vous nous écoutez. Merci d'être là aussi. Parce que, alors, vous êtes directeur de l'association Incube chez E974. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, l'incubateur, c'est un, en fait, c'est un dispositif qui accompagne les porteurs de projets de groupement d'employeurs à constituer leur groupement d'employeurs et ensuite à le faire fonctionner. Donc, on s'était aperçu, suite à un diagnostic qu'on avait fait du territoire, qu'il y avait très peu de groupements d'employeurs sur le territoire, alors que c'est un dispositif qui répond à des besoins de temps partiel d'entreprises et d'associations. Donc, suite à ce diagnostic, on a constitué ce dispositif qui est innovant sur le territoire, aussi sur le plan national qui n'existe pas non plus. Donc, on a innové et on a constitué ce groupement d'employeurs qui est l'incubateur de groupement d'employeurs qui regroupe deux groupements d'employeurs. Et ce qui permet de partager du temps d'emploi. Hein, c'est exactement. Alors, l'incubateur de groupement d'employeurs est un dispositif innovant. Le dispositif groupement d'employeurs en lui-même n'est pas innovant. Il existe depuis plus de 30 ans, il doit en avoir plus de 6000 en métropole, tandis que sur le territoire, on en a très peu. Mais en moins de deux ans, on a pu constituer 8 groupements d'employeurs et créer une soixantaine d'emplois. Vous accompagnez aussi les associations, en clair? Absolument. Oui. Ouais. Alors, on accompagne les associations, les entreprises. Donc les associations qui ont des besoins de personnel à temps partiel, on les regroupe au sein d'un groupement d'employeurs pour qu'elles puissent se partager du personnel. Quels sont leurs besoins? Leurs besoins, essentiellement, c'est des besoins de temps très partiel. De temps très partiel. Très partiel. Ouais. Donc ça peut être une heure, deux heures par semaine. On a même des contrats aujourd'hui qui sont à 10 heures par mois. Donc ce sont des associations effectivement qui se partagent des compétences qu'elles-mêmes n'auraient pas pu utiliser, mais en se regroupant. Ni même financer en totalité. Et même financer, tout à fait. Donc en se regroupant avec d'autres associations, elles peuvent effectivement créer cette dynamique et puis se partager du personnel. Philippe Gay. Oui, c'est un des sujets qui était abordé hier, parce qu'une des problématiques qui préoccupe les associations aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement utiliser des salariés sur la totalité de leur temps de travail. Et de pouvoir effectivement se partager des salariés entre associations. La réglementation est très complexe. On est opposé à tout un ensemble de règles qui font qu'on ne peut pas se refacturer du personnel comme ça librement. Et donc le groupement d'employeurs est une des alternatives qui permet justement donc de répartir du personnel entre associations en toute légalité et d'une manière harmonieuse, ce que les associations ne peuvent pas ou difficilement faire directement entre elles-mêmes. Vous réagissez au standard de la première au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. Quelles sont les aides possibles? Qu'en est-il de la gestion financière? Et puis alors surtout parlez-nous un petit peu du fonctionnement de votre association. Si vous avez beaucoup de mal vraiment à la faire tourner, cette asso, on est là pour répondre à vos questions. Et puis, qu'en est-il du licenciement dans le monde associatif? Quels sont les droits et les devoirs de l'employeur toujours dans ce milieu associatif? 02 62 99 2000. Nous avons des experts ce matin pour répondre à toutes les questions. All around the world, let's go all around the world. Yeah. All around the world, take me all around. Let's go all around the world. Give me joy, give me love, take it all around the world. I said, just got to Quatrième invité qui arrive, qui revient des embouteillages de l'Est, Catherine Fontaine, le temps qu'elle s'installe, donc qui est présidente d'association, et nous accueillons aussi ce matin Marcelino Burel, président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, Philippe Gay, commissaire aux comptes, président de la commission association et fondation de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, Danny Hove, directeur de l'association, donc un cube GE 974. Catherine Fontaine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez peut-être entendu un petit peu le début de l'émission, vous étiez dans la voiture, on parlait un petit peu comment c'est compliqué parfois de gérer une association, et puis on reviendra sur votre situation tout à l'heure. Nous avons Dominique au téléphone. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, alors, ma question, nous sommes une petite et jeune association, on existe depuis 2013. Nous avons trois salariés, un bénévole et trois membres du bureau qui sont aussi bénévoles. En ce moment, on a des petits soucis de trésorerie et on ne sait pas trop où s'adresser pour avoir des aides. Votre question est très importante et j'espère que vous allez trouver cette aide ici sur Réunion Première, parce qu'on a vraiment, sur ce plateau ce matin des experts, vraiment qui vont vous aider à y voir plus clair. Vous n'étiez pas là hier pour cette journée des associations, non? Ben non, moi j'ai, on n'a pas été informé du tout, ni par mail, ni par courrier. Et je pense que c'est le retour des vacances hein, qui fait qu'on a un peu de retard. Alors, ce n'est pas un jugement, mais une observation, ça nous arrive aussi d'être un petit peu en retard. Voilà. Oui, vraiment, la question, c'est les aides. Marcelino Burel. Alors, sur la première remarque, le fait qu'elle n'ait pas été touchée par notre communication, je voulais rappeler quand même qu'il y a plus de 14 000 associations sur l'île, donc c'est un peu difficile. 14 000, voilà. C'est pour ça que je disais, c'est pas une critique, mais juste une observation. Tout à fait. Alors, maintenant, pour ce qui est de la question financière, vous n'êtes certainement pas la seule à être dans cette situation, mais je crois que vous avez mal posé le problème. C'est-à-dire, vous avez dit, vous avez besoin de finances et comment en faire. Je crois qu'il faut d'abord dire, c'est quoi le projet associatif? C'est quoi votre association? Qu'est-ce qu'elle remplit comme but? Et si vous définissez correctement votre projet associatif, vous en déclinez un certain nombre d'actions et vous êtes capable du coup d'aller convaincre le cas échéant des financeurs sur l'intérêt et la portée de vos actions. Et là, vous trouvez des financements. Donc il faut démarrer par là. C'est quoi votre projet? Comment vous allez convaincre les autres? Tout à fait. Nous, notre projet, c'est de l'extrascolaire, périscolaire. Il y a beaucoup de demandes dans ce domaine, oui. Tout à fait, tout à fait. Le seul souci, nous, c'est entre l'accueil qu'on fait régulièrement. Et comment vous dire, on a une petite association, je l'ai dit au début, à l'initiale, on n'accueille que 20 enfants. D'accord. Il se trouve que nous, dans nos charges et tout, on est vraiment au-dessus de la dépense est plus haute que la recette, si vous voulez bien. Et financièrement, on n'arrive pas à trouver la bouffée d'oxygène. Trouver l'équilibre, surtout, c'est ça. Vraiment, je comprends, voilà, vous, vous avez des financements par an, mais vous avez des financements en CAF également ? On a un peu CAF, la CAF, la DPEG. D'accord. Mais ça ne couvre pas tout, puisqu'on se retrouve aussi dans la situation à payer un loyer. Oui, tout à fait. On paye un apport local. Et qui n'est pas. Qui est quand même assez cher, si je peux me permettre. Donc, 900 euros mensuels, c'est quand même fort pour nous. Bon, j'allais dire que votre équation, effectivement, n'est pas simple à résoudre. Quand on ne sait plus modifier les produits, on modifie les charges. Donc, soit on est capable de trouver des ressources, sachant qu'on sait que les prix de. Les participations CAF sont aussi tarifiées, il y a des prix de joinée, donc c'est limité. Tout à fait. Et la participation n'est jamais à 100%. Donc, ça veut dire qu'on doit trouver du complément, soit avec les collectivités locales qui portent votre projet, qui estiment que sur le territoire où vous exercez, c'est un besoin, notamment. Sinon, il faut faire effectivement une action sérieuse, j'allais dire même plutôt une certaine précision chirurgicale sur les charges. Oula, oui, là, vous parlez de chirurgie. Vous employez des mots. C'est-à-dire découper les charges. C'est Marcelino Burel qui devient médecin, là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, il m'en voit en chirurgie. C'est-à-dire découper les charges. Non, mais alors, attendez. Alors, vous entendez quoi par là? Déjà, Dominique, on va avoir aussi l'avis de Philippe Gay, s'il vous plaît. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'adhère effectivement complètement donc à ce qui vient d'être dit au niveau de l'approche de la situation. Le problème, de toute façon, c'est que si vous avez mis en place une structure avec ce niveau notamment en nombre de salariés, c'est que vous avez dû à un moment ou à un autre faire une analyse de marché entre guillemets, si on peut dire. Ah, tout à fait. Voilà, et qui vous permettent de d'escompter ou de penser que vous avez une capacité à faire adhérer des parents à vos activités. À nos activités, voilà. Oui. Donc, on a eu cette démarche, on a travaillé avec des comités d'entreprise, il se trouve que en courant d'année 2014, on a été lâchés en plein... en pleine activité. Et ce qui fait que c'est depuis ce moment-là qu'on a du mal à trouver l'équilibre. Exactement. Alors, et cet équilibre aussi, là, vous prononcez le mot, c'était exactement le mot. L'équilibre, c'est le seuil de rentabilité. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas suffisamment, en fait, d'usagers, de participants, pour arriver à un seuil de chiffre d'affaires, j'oserais le mot, pour couvrir vos charges. Donc, en fait, il vous faut aussi peut-être pas fonctionner seulement avec une quinzaine de personnes, vous avez dit, là, au départ. Une vingtaine. Voilà. C'est peut-être insuffisant. C'est pas suffisant. Par contre, donc, il faudrait aussi... augmenter le nombre d'enfants, c'est Ça voilà. Tout à fait. Dans les limites autorisées. Hein. Bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est tout à fait ça. Et puis aussi, dans la limite de capacité d'accueil de notre local. Et votre capacité d'accueil, elle est de quel ordre, en l'occurrence? Elle est de 20. Aïe, d'accord. Elle est de 20. Voilà, donc elle ne peut pas aller beaucoup plus que ça. Elle ne peut pas prendre beaucoup plus d'enfants. Alors, messieurs. Mais une situation bien spécifique, puisque nous, ce local était fait pour vraiment l'accueil des salariés, pour y travailler nos projets, puisqu'on travaillait sur le terrain avec les comités d'entreprise. Il s'est trouvé que, suite à notre séparation, le divorce, après la chirurgie, le divorce... Ah, d'accord. Vous avez retenu le mot, alors. Tout à fait. On a travaillé en freelance, si vous voulez bien. Voilà, on a travaillé en freelance. Ça marche, puisqu'il y a de la demande, comme vous disiez au début de l'émission. Bien sûr. Et le seul souci, là, en ce moment, on se retrouve, nous, dans notre association, comme un peu le chien qui se mord la queue. On a de la demande, mais on freine puisque on sait qu'on n'aura pas cette capacité d'accueil. Alors, elle est créée depuis 2013. Juillet 2013. Et vous tenez à préserver cette association, surtout. Je tiens parce vous tenez à ça, oui. Ah oui, c'est un métier que j'aime. On a les membres de bureau qui sont des passionnés aussi, qui font leur boulot vraiment bénévolement en plus de ce qu'ils font professionnellement. Je peux vous jurer, je suis bien encadrée. Et on n'a pas de soucis de salariés, Dieu merci. Mais il n'y a que ce petit souci, on a été lâché là. Il n'y a pas de conflit entre salariés et bénévoles. Le bénévole, c'est pourquoi il est là, c'est clair dès le début. Moi, en tant que directrice de ce petit centre de loisirs, avec les collègues, ça se passe très bien. Ils sont là depuis le début. J'allais dire qu'il fallait aussi peut-être voir la participation par an, puisqu'il y a aussi une participation. Oui, elle peut-être. Non, je parle de la participation financière, en fait. Participation financière. Peut-être augmenter un peu. Le cas échéant, voir si les tarifs sont en cohérence avec justement les coûts de revient que vous avez, puisque vous avez un coût de fonctionnement qui n'est pas couvert, vous avez dit. Et puis, voir aussi à diversifier votre activité. à trouver, puisque vous êtes dans l'activité quand même d'accueil d'enfants, mais aussi de loisirs. Mais aussi de loisirs. Donc il y a peut-être des mini-activités à développer qui permettent de ramener de la recette, entre guillemets. Messieurs, il faut... Mais quelquefois, pour mettre en place certaines activités, il faut déjà aussi avoir un financement. C'est un peu ça. Mais oui. ça dépend comment on l'approche. Ouais. Dani Hove, pour répondre à Dominique. Oui, bonjour Dominique. Bonjour, une petite question. Combien de personnel avez-vous aujourd'hui? Combien de salariés? Je le dis tout à l'heure, on a trois salariés. Ils sont occupés à plein temps? Y compris moi, hein, et une bénévole. D'accord, ils sont occupés à plein temps? On est en TTS. PTS, titre de travail simplifié. Tout à fait. Donc ils sont pas à temps. C'est-à-dire ils sont là les mercredis les mercredis loisirs et pendant les vacances scolaires. C'est ça. D'accord, ok. Voilà. Donc ils sont pas sous contrat chez vous, ils sont TTS. Ils étaient avant, oui, quand on était avec les comités d'entreprise, ils étaient en CAEC. Donc on est bien dans des situations effectivement d'emplois qui sont pas à temps plein en l'occurrence. Tout à fait. Absolument. Ça veut dire que votre activité arrive à couvrir les charges de personnel aujourd'hui? Non. D'où mon appel. Voilà, comme dit Marcelino, il faudrait essayer peut-être d'avoir une participation financière des parents un peu plus importante, de manière à pouvoir couvrir au moins les charges de personnel, puisque c'est bien le personnel qui va effectuer l'objet de votre association et répondre aux besoins des parents. Mais là, effectivement, j'étais plus moi dans une dynamique si les salariés étaient donc salariés de votre asso, ce qui n'est pas le cas. Donc économiser en partageant ses coûts avec d'autres. On aurait pu imaginer effectivement un partage d'emploi entre et une mutualisation, mais là en l'occurrence ils sont en TTS. Ils sont en TTS et j'ai de la chance qu'ils sont là depuis 2013 et qu'ils restent. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a une sacrée entente, chacun sa place, chacun respecte l'autre. D'accord. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Dieu merci, et la solution est bon, voilà, le souci c'est juste on n'a pas de trésorerie, c'est assez embêtant. Dominique, suivez les conseils de nos experts, on a vos coordonnées, je vais essayer de trouver une solution pour vous, il faut qu'on vous accompagne, Dominique. Il faut qu'elle se rapproche d'un cabinet des spécialistes comptables, cas échéant. On est géré par les comptables. Très bien, d'accord. Il ne faut pas hésiter à consommer ces services et ses conseils. Marcelino Burel est aussi dans... Oui, on doit le voir normalement la semaine prochaine. C'est parfait. Marcelino Burel est président du conseil régional de l'ordre des experts comptables. Donc c'est pour ça aussi qu'on va peut-être vous donner un sacré coup de main, parce qu'il en faut aussi ne pas se retrouver toute seule. Alors, surtout, Catherine Fontaine, votre conseil pour Dominique? Puisque vous aussi, vous gérez une association, vous êtes une femme, donc c'est plus compliqué quand on est une femme à la tête d'une association. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Non, Catherine Fontaine. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste qu'il faut être bien entouré. Logiquement, il faudrait être bien entouré et encadré et ne pas foncer tête baissée sans vouloir aller réaliser des projets qu'il n'y a pas de suite pour demain, quoi. Voilà. Ouais, c'est surtout ça. Nous, ça avait très bien démarré. Hein. C'est le seul souci, on s'est fait un petit peu. En général, ça démarre toujours très bien, mais c'est après, c'est pour pérenniser un petit peu tout ça que parfois ça pose problème. Voilà. Dominique, merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Tout à fait. Vous avez mes coordonnées. Hein, Bien sûr, Dominique. Bonne continuation. À très bientôt sur la première. Au revoir. Une association se gère-t-elle comme une entreprise? Comment mettre toutes les chances de son côté pour éviter de se retrouver dans les ennuis? Jusqu'à 11h30, les experts sont sur la première. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. C'est presque une séance de conseil par... Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait

dans cette dynamique. Mais, ouais. Mais je peux vous poser une question, pourquoi vous n'avez pas délégué? Pour déléguer... Au lieu de tout faire, si vous êtes à la tête de l'association, ben quand on c'est... Déléguer, non, c'est pas possible. Quand on forme un bureau, un conseil d'administration, c'est pour avoir une équipe soudée, bien sûr, pour pouvoir avancer. En fait, il s'avère que cette équipe-là, par le manque de qualification, ne peut pas continuellement le être manque, sur place. Le manque de qualification. Messieurs les experts, Philippe Gay. Oui, c'est vraiment le bon terme. C'est une des caractéristiques que j'évoquais hier lors de la conférence. Le système de délégation de pouvoir est un système qui est structuré, organisé. Mais c'est vrai qu'on ne peut déléguer qu'à des personnes qui sont qualifiées pour recevoir le pouvoir qu'on leur donne et qui ont la capacité donc à remplacer la personne qui le déléguant, à remplacer donc la personne qui donne ce pouvoir. Si effectivement, dès le départ ou à l'origine, on ne peut pas répartir ce pouvoir entre des personnes qui ont la même qualification, ça devient très compliqué. Et je comprends votre souci. Pour terminer sur la délégation de pouvoir, effectivement, pour qu'il soit véritablement valable et reconnu, il faut que le pouvoir d'abord délégué soit, il faut que cette délégation soit écrite. Et pour que ça aille jusqu'au bout, il faut que la personne qui reçoit le pouvoir l'accepte. Si un pouvoir qui est délégué sans que la personne qui le reçoit ne donne son assentiment et son accord, il n'y a pas de délégation de pouvoir. Et puis, dernier point également, c'est que la personne qui délègue son pouvoir, il ne faut pas qu'elle s'en frotte les mains et qu'ensuite elle ne s'en préoccupe pas. Elle doit par la suite continuer à surveiller, vérifier, contrôler le pouvoir qu'elle a donné, qu'elle a délégué, de façon à s'assurer que tout se passe bien et continue à fonctionner normalement, comme si c'était elle qui avait continué à assurer les tâches. Et dernier point, un point qui a été également souligné hier, c'est qu'à partir du moment où j'ai confié mon pouvoir de faire une tâche ou de décider quelque chose à une autre personne, eh bien je n'ai pas ensuite à revenir m'immiscer sans la prévenir sur ce que je lui ai confié. Sinon, je vais lui reprendre à son insu le pouvoir que j'aurais délégué. Et du coup, même juridiquement, on peut venir me reprocher d'avoir repris ce pouvoir et d'avoir repris la responsabilité du pouvoir que j'ai délégué. Ouh là là là, ça semble compliqué ça. Ouh là, c'est pas si compliqué. Sans défaite. C'est assez complexe. Alors je vous invite, vous qui êtes dans cette situation, que vous êtes en ce moment avec votre association en train de vous casser la tête parce que vous n'arrivez pas à trouver ces réponses à ces questions très importantes. On est là pour répondre à tout ça. Donc Marcelino Burel. Oui, j'allais dire, si on résume un peu tout ce qui est dit, c'est déléguer c'est bien, contrôler c'est mieux. Donc ça veut dire que celui déléguer c'est bien, contrôler c'est mieux. Voilà. Ça veut dire que celui qui délègue, il faut qu'il comprenne bien que c'est pas un abandon de pouvoir, c'est une délégation de pouvoir, mais il a pas abandonné le pouvoir. Et en l'occurrence, effectivement, ça veut dire qu'il l'organise, qu'il l'écrit, comme on l'a dit, et qu'il soit capable de vérifier que celui qui a reçu ce pouvoir l'exerce toujours dans les limites qui lui ont été accordées, quoi, je veux dire, en final. Bon. Après, c'est vrai, comme madame a dit tout à l'heure, c'est compliqué quand il y a un bureau qui est composé de pas beaucoup de personnes, ou un conseil d'administration, qui fait tout, parce qu'on se retrouve avec un conseil d'administration et pas beaucoup de salariés en face, donc il n'y a pas d'étape intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de directeur, donc je ne peux pas déléguer. Et bien souvent, le président ou le trésorier est au four et moulin, il fait tout de A à Z. Donc là, on ne peut pas parler de délégation, effectivement. C'est votre cas, Catherine Fontaine. Oui. Vous faites tout de A à Z. Oui, je fais tout de A à Z. Mais vous pensez quoi des réponses de nos experts? Ben, c'est formidable. Sur la délégation de pouvoir, c'est, oui. Oui, mais c'est bien, parce que comme c'est vous dites... C'est plus facile de le dire que de le mettre en pratique. En tant que présidente, on devrait juste à donner des ordres avec les personnes qu'on a déléguées. Mais malheureusement, chacun gère à sa façon pour le peu qu'ils peuvent... Exact. Mais il y a peut-être aussi une règle qu'on peut donner pour les petites associations, parce que c'est Légion. C'est que quand on est dans un conseil d'administration, il y a aussi une façon intelligente d'organiser le rôle de chacun des administrateurs, pour que ce soit pas un seul qui fait tout, en d'autres termes. Et certes, on a l'habitude de voir qu'il y a un président et un trésorier. Tout le temps, on entend parler de ça. Mais je peux avoir d'autres administrateurs qui ont des fonctions très spécifiques à qui j'ai confié, je veux dire, des fonctions spécifiques. Et ça permet de libérer un petit peu le président, entre guillemets. Philippe Gay, vous êtes commissaire aux comptes. Oui, oui, lorsqu'on crée une association, la première chose qu'on fait, c'est de rédiger les statuts. Rédiger les statuts, ça et c'est dans les statuts, oui. On organise le premier strate de fonctionnement, qui est celui de prévoir le mode de fonctionnement du conseil d'administration, et notamment, on précise le rôle du président, du trésorier, du secrétaire, et là, c'est un premier niveau d'organisation. Ensuite, lorsque le conseil d'administration est constitué, c'est le conseil d'administration lui-même qui va décider de son organisation et qui va se répartir les tâches, les responsabilités entre les différents administrateurs. Et c'est là, pour répondre un peu à la problématique que vous venez d'exposer, madame, c'est que les administrateurs peuvent recevoir des pouvoirs du président pour assumer certaines tâches en partage avec le directeur ou la directrice salariée, le responsable salarié. Et notamment sur la fonction employeur, parce que c'était aussi notre sujet, bien rappeler aussi à nos auditeurs que traditionnellement, dans les statuts, c'est plutôt le président qui a plein pouvoir, sauf cas particulier de limitation. Et il a un pouvoir particulier, notamment, c'est le recrutement et le licenciement. Donc embaucher et débaucher. Ce faisant, s'il n'a pas organisé une délégation de ce pouvoir-là à son directeur, ça, il faut que les gens le comprennent bien, et que son directeur se met demain, pour une raison ou pour une autre, de manière justifiée, à faire un licenciement, ce licenciement peut être caractérisé de nul et non avenu, parce que la personne qui a exécuté, qui a réalisé le licenciement n'avait pas pouvoir pour le faire. Voilà. Donc, attention. Petite réaction de Marie-Françoise qui dit, notamment sur la page Facebook de l'émission Les Experts, sur la première, une association qui n'arrive pas à louer une maison pour créer donc la maison du positif, c'est ce qu'elle dit, Marie-Françoise. Pourtant, elle a plein de garanties. Qu'est-ce que c'est que les garanties et à qui pourrait-elle s'adresser, Marc-Solino Burel? C'est une vraie question, on ne sait pas. Voilà, elle a plein de garanties. J'imagine qu'elle voulait dire probablement qu'elle a la garantie financière. La garantie financière. Ouais. Hein, pour assumer le loyer qui va être en cause, j'imagine. Je ne vois pas autrement. Mais après, on est dans le domaine, je veux dire, de la relation contractuelle avec n'importe quelle entreprise et n'importe quel bailleur, je veux dire, qui veut bien louer son établissement. Donc, je ne sais pas sur quel problème elle a buté pour ne pas pouvoir louer. Ouais. Alors, c'est clair que si c'est une association qui est en pleine constitution, le propriétaire peut toujours se poser la question de la pérennité de cette association qui va installer là-dedans. Et il se pose, voilà. Donc il faudrait peut-être qu'elle arrive aussi avec des éléments budgétaires, voire même peut-être des accords de financement qui va permettre de sécuriser le propriétaire qui engage quand même sa maison dans la location et pour le rassurer. Sinon, je ne vois pas trop d'autres raisons. À qui elle peut s'adresser? Ben, peut-être poser la question, notamment au niveau des aides, au niveau de l'accompagnement. Dany Hove, vous avez une réponse pour notre auditrice Marie-Françoise? Ben, comme dit Marcelino, si elle a effectivement, en termes de garantie, je pense qu'effectivement, elle veut certainement parler de les moyens de payer le loyer. Maintenant, le bailleur, il a besoin d'avoir certaines garanties, le volume d'activité. Donc, si elle vient de débuter, l'association, enfin, le bailleur peut être un peu frileux par rapport à l'association. Il faudrait qu'elle puisse effectivement, tout d'abord, pour la paroisse des experts comptables, de peut-être s'adresser à un cabinet d'expertise comptable pour faire un plan de financement, un prévisionnel, de manière à pouvoir ramener ses pièces au bailleur et puis le rassurer sur la viabilité de l'association, la pérennité de l'activité de l'association, et de pouvoir, même sans pour autant apporter plus de garanties, mais au moins d'avoir des billes pour pouvoir prouver au bailleur que l'activité va tenir et qu'il ne va pas louer une maison dans 2 mois et que c'est terminé. Donc, premier réflexe, cabinet d'expertise comptable pour essayer de planifier tout ce qui est prévisionnel et bilan. Philippe Gay. Oui, sur une question comme celle-ci, je dirais qu'on est vraiment dans le cadre de la relation contractuelle privée et que il n'y a pas de différence entre l'entreprise et l'association. Pour le coup, on est véritablement dans un schéma tout à fait similaire. On vient vous retrouver juste après l'info de 11h sur la première et nous serons en ligne avec Yolaine de Terre Sainte dans le beau coin de Saint-Pierre. Les questions, les réactions au standard au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Sur mon nom du père, les larmes sur mes joues, d'un goût amer, je pense à Coluche, à l'abbé Pierre. Rocher de Sisyphe, naguère. Aujourd'hui, ça n'a changé guère. Dans le 666, la dame c'est entend. entends cette prière. Les ailes des papillons, celles des malus, battent encore. Les cœurs des restos, ceux de Coluche, battent encore. Pauvres de nous. Encore le droit, oui, d'avoir faim, d'avoir froid, à vous aussi la baie, vous qui voyez fleurir avec éblouissement la petite fleur sur ce tas de fumier qu'est l'humanité. Désolé, messieurs, on a encore besoin de vous, aujourd'hui encore. Vous ne pouvez pas reposer en paix, non, pas encore. Les ailes des papillons, celles des malus, malus, battent encore. Les cœurs des restos de Coluche battent encore. Pauvre de nous. Humanitaire, occupés à défendre le précaré. Levons-nous, ôtons nos œillères. Ce monde est pathétique, aveugle et fier. À ne plus voir s'étendre la précarité. Missing that, les ailes des papillons, celles des malus, battent encore. Merci d'écouter Réunion Première, il est 11h. L'info sur la première avec Bruce Réjean, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Éclipsez-vous à l'île de la Réunion. Apparemment, le slogan de l'IRT a fait mouche. Les réservations et la fréquentation sont à la hausse pour cette fin août, début septembre. 17% de touristes en plus. Mais c'est une éclaircie dans un ciel un peu sombre. En début de semaine, le président d'île de la Réunion Tourisme annonçait une baisse globale de 4% au premier semestre. L'heure serait quand même plutôt à l'optimisme. Les chiffres plus précis seront dévoilés ce midi. Voilà pour ce qui est des arrivées. Dans le sens des départs, à présent un nouveau venu dans le ciel réunionnais. L'avion de Madagascar Airways doit se poser à 13h20 sur l'aéroport de Pierrefonds. C'est le vol inaugural de la liaison entre La Réunion et Sainte-Marie. Une opportunité pour l'aéroport du Sud et pour les touristes réunionnais qui veulent par exemple aller voir les baleines là-bas sans la contrainte des vols intérieurs malgaches. Il devrait y avoir une trentaine de places sur chaque vol. Le ministre du Tourisme de Madagascar est lui déjà à La Réunion dans le cadre d'un Madagascar Promotion Tour. Les étudiants qui doivent rejoindre l'Hexagone pour la rentrée sont un peu rassurés. Ils devraient recevoir leur billet d'avion de la LADOM directement sur leur boîte mail. 600 à 800 dossiers sont traités en urgence suite à un problème informatique. L'agence de mobilité va délivrer les titres de transport et demandera les pièces justificatives un peu plus tard. L'existence de parkings surveillés lié au col des Bœufs sous-entend depuis longtemps qu'il ne faut pas laisser sa voiture ailleurs quand on part manifestement pour plusieurs heures, voire plusieurs jours en randonnée. Mais il n'y a pas que les vols. Des actes de pur vandalisme auraient tendance à se multiplier sur les autres espaces de stationnement gratuits près de ce départ de rando. Rien qu'hier, on a recensé 10 voitures endommagées au point de ne pas pouvoir rouler. En témoigne un groupe de randonneurs qui, à son retour du cirque de Mafate, a trouvé sa voiture avec les pneus pour crever, les 4 pneus. Petit détail qui change tout dans le groupe en question. Il y avait plusieurs policiers et ils n'ont pas apprécié la plaisanterie. On l'entendra dans le journal de midi. Ils pourraient être de très bons gardiens, mais ils accompagnent désormais leur maître en excursion dans les Hauts à l'occasion de la journée mondiale du chien. Apprenez qu'il existe des canis randonnées. À la mi-journée, petit zoom donc sur cette activité proposée par l'association Canisport. Attention, il faut un harnais spécial et une condition physique adaptée pour le toutou comme pour son maître. Et puis on finit avec deux mots de ballon. Ce soir, c'est la deuxième journée du championnat régional de handball avec Château-Moran, champion en titre, qui reçoit un promu, le HBC Bois de Nèfle. La Cressonnière reçoit le HBC Possession à Saint-André. La JSB va sur le terrain du Saint-Pierre HBC. Et puis l'ASHB Tamponnet jouera à Saint-Denis contre Joinville. Au programme également, JS Salines FC Port et JS Panonaise ASC Saint-Gilles-Léo. À présent, l'actualité nationale et internationale sur Réunion Première avec France Info. Dans l'actualité, la décision très attendue cet après-midi du Conseil d'État, cela concerne la légalité ou non de l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet. Nicolas Sarkozy fermement opposé au burkini, le patron des Républicains l'a redit hier soir. Premier meeting de candidats à la primaire de la droite à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. Deux thèmes mis en avant, identité et autorité. Plus de 10 heures de négociations, mais pas d'accord entre Lactalis et les éleveurs sur le prix du lait. Le blocage du siège à Laval se poursuit donc. En Italie, les répliques compliquent le travail des secours. Le bilan provisoire du séisme de mercredi est de 250 morts. Et puis ce match nul, 0-0, suffisant pour Saint-Etienne. Vainqueur au match aller, les Verts sont qualifiés pour la phase finale de la Ligue Europa de football. France Info. Il est 11h04 sur la première, la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Oui, vous voulez savoir où c'est qu'il sera le soleil aujourd'hui? Il sera dans le sud, notamment dans l'après-midi, sur les plages, du gris et des averses sur les plaines et dans l'est et dans le nord, ciel mitigé au volcan. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Gérer une entreprise, une association, c'est la gérer comme une entreprise. Bénévole employeur, est-ce que c'est une fonction compatible? Gérer les bénévoles, les éducateurs, les moniteurs, c'est un vrai casse-tête parfois. Et puis dans une association, qui commande, qui dirige, le président ou le directeur? Vous réagissez avec nos experts sur la première au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Dans la mienne, sur tes allures un peu mondaines et tes manières à l'ancienne, qui sait d'aller, qui tu es. Tu auras tout fait pour me geste obscène. Tu le vois bien, darling, tu me gênes. Sur ta photo un peu blême, je nous vois en tandem. Ta main, darling, dans la mienne. Tes allures un peu mondaines et tes manières à l'ancienne. Qui sait, darling, qui tu aimes? Qui sait, darling, si tu m'aimes? Qui sait, darling, peut-on attribuer un véhicule de fonction à un salarié de l'association pour ses déplacements professionnels et pour le trajet domicile-travail? La question est très importante et on a déjà le sourire de nos experts autour de cette table. Avec nous ce matin, Marcelino Burel, président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, Philippe Gay, commissaire aux comptes, Danny Hove, directeur de l'association Acube GE 974, et puis Catherine Fontaine, qui est présidente d'association, avant d'accueillir Yolaine de Saint-Pierre au téléphone. Oui, alors, à cette question très importante, peut-on attribuer un véhicule de fonction à un salarié de l'association pour ses déplacements professionnels et pour le trajet domicile, travail? Oui, bien sûr, on peut tout faire, il faut juste après voir dans quel cadre on le fait et en tirer les conséquences. D'abord, on a dit ici un véhicule de fonction. Il y a déjà une nuance entre véhicule de service et véhicule de fonction. C'est pas la même chose. Eh oui, si c'est un véhicule de service, il ne sert qu'à la réalisation du service et le salarié qui dispose, entre guillemets, du véhicule de service doit restituer le véhicule quand il part et quitte son travail le soir. Donc il prend le service le matin, il prend le véhicule, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un véhicule de service. Un véhicule de fonction, c'est ce qui a été dit dans la question, l'intéressé rentre chez lui avec, donc ça veut dire que c'est un véhicule qui est à sa disposition, c'est tout à fait possible, bien entendu. La conséquence, c'est quoi? C'est un avantage en nature, un accessoire au salaire, en d'autres termes, et on doit le porter, la valorisation, valoriser d'abord l'avantage en nature, correspondant à la disposition du véhicule, le porter sur la fiche de paye, le soumettre à cotisation. Et ça s'arrête là. Et à impôt, évidemment. Catherine Fontaine, vous avez une voiture de service, une voiture de fonction? Non, ma propre voiture. Vous avez votre propre voiture? Oui, ouais. Qui est au service de l'association. Et donc, voilà, et voilà. Et vous n'êtes pas la seule dans ce genre de situation. Votre voiture est au service de l'association. Philippe Gay, commissaire. Oui, alors effectivement, donc, quand on est dans ce cas-là, c'est plutôt le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver... Alors, il y a des dispositifs qui permettent aujourd'hui donc, de défrayer les bénévoles ou responsables d'associations qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins donc de l'association. Alors le premier des principes, c'est bien sûr de lui rembourser des indemnités kilométriques. Là aussi, il y a deux réglementations. Enfin, il y a une réglementation de base qui est de servir des indemnités kilométriques qui n'aillent pas au-delà du barème fourni par l'administration fiscale. Si ça va au-delà, on pourra dire que la personne perçoit un complément de rémunération ou une rémunération indirecte. Et à ce moment-là, ça risque de nous entraîner vers des conséquences fiscales, surtout dramatiques pour l'association. Et puis, il y a le deuxième... Ça suppose que l'association ait suffisamment de ressources financières pour pouvoir rembourser des indemnités kilométriques donc à la personne. Et puis, il y a la deuxième solution qui consiste à ce que les associations qui n'ont pas de ressources financières pour rembourser les indemnités kilométriques, demandent aux bénévoles ou aux salariés de mettre gracieusement à disposition son véhicule donc à disposition de l'association. Et alors, dans ce cas, l'administration fiscale admet qu'il y ait un abandon à titre de don des frais kilométriques engagés par le salarié, de façon que au moins il puisse avoir une réduction d'impôt sur sa déclaration de revenus. Et là, il y a un barème particulier pour les bénévoles qui a été mis en place par l'administration et tout un processus d'abandon de frais. Nous allons écouter nos auditeurs sur la première. Yolène de Terre Sainte est avec nous avant d'avoir Michel tout à l'heure. Bonjour Yolène. Bonjour tout le monde chez vous et les auditeurs. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de votre situation, s'il vous plaît. Alors, nous, notre situation, je ne vais pas me plaindre, parce que j'ai réussi quand même à avoir autour de moi, dans le conseil d'administration ou dans le bureau, des personnes très compétentes qui m'aident à gérer l'association. Le problème qui se pose en général pour les associations, c'est la pérennisation des emplois. On est quand même obligé de changer de personnel très souvent parce que on a des emplois aidés ou des contrats d'avenir. Le contrat d'avenir, c'est sur 3 ans, donc c'est super. Mais au bout d'un moment, on est obligé parce qu'on peut pas proposer de CDI aux employés. Donc souvent, c'est un problème parce que les adhérents ou nous-mêmes, il y a des personnes qu'on emploie qui sont très compétentes, mais à qui on ne peut pas proposer un emploi CDI, quoi. Donc ça, c'est un gros souci concernant les associations. Je crois qu'ils sont tous dans le cas, hein, et c'est rare qu'une association puisse proposer des CDI. Voilà. Et puis j'entendais tout à l'heure parler de donner vraiment un rôle à chaque personne dans le bureau aussi. Nous, on a fait le choix d'avoir des bénévoles purs et durs, c'est-à-dire qu'on n'a aucune rémunération et les défraiements sont très très rares, peut-être sur une action où on doit vraiment utiliser notre véhicule. À ce moment-là, on rembourse l'essence. Mais sinon, on ne prend absolument rien à l'association. Du coup, c'est pas évident parce que effectivement les bénévoles, ils ont un emploi à côté, ils ont des occupations. Et c'est difficile de mobiliser de plus en plus pour les associations des gens qui veulent vraiment donner du temps et qui ont du temps à donner. Voilà, donc ça c'est un gros souci aussi. C'est un témoignage très intéressant, messieurs les experts. Et puis Catherine Fontaine, qui est aussi présidente de l'association. Marcelino Burel, vous en pensez quoi? Notamment sur la pérennisation de l'association. J'allais rappeler quand même que dans ce secteur de l'économie, effectivement, on est soumis un peu à une certaine précarisation de l'activité. C'est clair. Et qui ne facilite pas, du coup, à la fois la gestion du personnel et l'engagement bénévole, hein, par ailleurs. Rappelez aussi que, sur un plan macroéconomique, Madame parlait de CDI, donc le nombre de CDI dans le monde associatif est passé de 57% en 2011 à 47% aujourd'hui. Donc à La Réunion, en l'occurrence, c'est plutôt 50%, c'est déjà mieux que sur le territoire national. Mais on voit bien que lorsque le taux de CDI représente plus de 87% chez les entreprises lucratives, on n'est qu'à 47% dans le secteur non lucratif, donc c'est-à-dire moitié moins. Et là, effectivement, il y a un problème donc, de pérennisation de l'emploi. Et je crois que si elle a fait mention du mot CDI, c'est parce qu'elle, indirectement, elle doit faire opposition entre CDI et contrat aidé. Oui. Contrat aidé, effectivement, j'ai l'aide de l'État, enfin un certain nombre d'aides, qui me permet d'assumer le coût du contrat. Et quand je suis en CDI, appelons-le plutôt contrat de droit commun, ou contrat non aidé, donc, et bien là, je dois assumer le coût de mon contrat par mes propres moyens financiers. Et c'est là que ça devient difficile. Donc ça veut dire que le modèle économique de cette association, comme pas mal d'associations d'ailleurs, ne permet pas de supporter le coût social d'un salarié, je veux dire, de droit commun, en final. Yolan, vous souhaitez quoi pour votre association? Moi, on a peut-être l'impression que je me plains, mais par rapport à d'autres associations, on s'en sort bien parce que on arrive à trouver des financements en fouillant, souvent les associations n'attendent que les à la fin de l'année de présenter les projets. Mais quand on présente les projets, il y a plein de filières qu'on ne connaît pas et qu'il faut vraiment fouiller parce que des fois il y a des financements dont on n'a pas pensé. Après, ça dépend. Moi, je suis une association culturelle et patrimoniale, donc peut-être que à ce moment-là, il y a des financements auxquels je peux prétendre et d'autres pas. Exact. Mais bon, les financements, il faut vraiment fouiller parce que souvent, il y a des choses qu'on ne connaît pas et que où on peut avoir un petit peu d'argent. Concernant les emplois, moi, ce qui me dérange, c'est que de devoir changer de personnel à chaque fois, alors que ce sont effectivement parce qu'un contrat s'arrête, bien sûr. On n'est pas obligé de l'arrêter, on peut le continuer en CDI, mais il faut avoir les moyens de le supporter. C'est ça le problème, les moyens. Il faudrait produire et trouver des fonds propres pour pouvoir financer. Dani Hove. Allez-y. Oui, en fait, un petit conseil qu'on pourrait peut-être donner, c'est effectivement l'emploi d'avenir, notamment, qui est une prise en charge sur 3 ans à hauteur pour les associations de 90%. Le petit truc, ça serait effectivement de pouvoir augmenter les prestations pendant ce temps-là, c'est-à-dire de provisionner une espèce de réserve qui va permettre, au-delà de la prise en charge de l'emploi d'avenir, effectivement, de maintenir l'activité, mais surtout de pouvoir provisionner une somme qui va permettre de payer ensuite le salaire à temps plein. Alors, on a 3 ans pour le faire. Donc, effectivement, on a plutôt tendance à, quand on a une masse salariale très basse, enfin un coût très bas, c'est de se dire, bon, ok, je vais proposer des prix très bas. Alors qu'on devrait plutôt se dire, là, je vais facturer normalement. Oui. De manière à ce que je fais une provision. Donc, je vais faire une provision pour pouvoir payer les salaires une fois que je vais plus avoir cette prise en charge. Ce qui permet, au-delà de la prise en charge, de pérenniser le contrat et de maintenir cette activité, puisqu'on aura aussi, j'allais dire, maintenu les prestations de l'association à un même niveau, sans pour autant qu'il y ait, à un moment donné, une baisse ou une augmentation des charges. Que c'est important ce que vous êtes en train de dire, Dani Hove. Vous avez bien compris, Yolen? Allez-y, servez-vous de ces conseils, surtout. C'est pas toujours facile. Faites attention au développement à outrance des prestations, où on finit après par basculer sans s'en rendre compte dans une activité, cette fois-ci, un petit peu lucrative. Alors c'est pour ça que nous, on ne veut pas tomber là-dedans, justement. Ouais. Mais à terme, je pense que beaucoup d'associations font ça pour sauver l'association elle-même et les emplois, parce qu'à un moment, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'une association peut avoir une petite activité lucrative, à condition que son activité, justement, non lucrative, reste prépondérante. Et dans une limite précisément de 61 000 euros de mémoire annuelle, je peux réaliser des prestations sans être soumis à une fiscalité quelconque. Et comme ça, je peux générer de la ressource propre. Yolen, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Espérant que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Merci. Michel, que je vais saluer, Michel des Avirons. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez aussi une question pour nos experts. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Oui. Il est 11h20 sur la première. Réunion Première, la plus grande couverture FM de Lille. À Saint-Pierre, 90.7. Saint-Louis, 87.8. Saint-Joseph, 89.5. Mafate, 89.2. Merci de votre fidélité et retrouvez la liste des fréquences sur notre site internet réunion.lapremière.fr. On se retrouve juste après Nzadash sur la première. Comment mettre toutes les chances de son côté pour éviter de se retrouver dans des ennuis? On est là pour vous aider, notamment vous qui menez les associations, qui êtes à la tête d'associations. Donc on a avec nous des experts ce matin. On parlera du licenciement aussi, c'est important. Et puis comment gérer des conflits? Si belle au naturel, si peu que les couleurs d'un arc-en-ciel. Ma douce, ma belle, du fond du cœur, c'est un appel. Tu l'obtiens si belle, tous les jours ton visage, ta voix, ton regard m'ensorcelle. Crois-moi, je suis formelle, je me battrai pour toi, ma belle, pour allumer la flamme. Je serai ton étincelle, j'irai au bout du tunnel, bien loin du superficiel. Honnête, sincère et vrai, tu es mon essentiel. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. Mon cœur s'envole, my love. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. J'aimerais tant que le temps d'une seconde, tu aies confiance en moi. Tonight, t'es pour toi, bébé, c'est showtime. J'irai décrocher. j'ai la lune pour toi, mon étoile. Ne laisse pas mon cœur pleurer de ne pas être à tes côtés, car tu es ma princesse, my lover, oh musical. Je suis un prince charmant, 100% gentleman. Ne cherche pas plus loin, bébé, je suis ton idéal. Ensemble for long time, pour moi le principal, c'est vivre à tes côtés que le bonheur s'installe. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princesse. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. Mon cœur s'envole, my love. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princesse. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. J'aimerais tant que le temps d'une seconde tu aies confiance en moi. J'inventerai des mots, même s'il le faut, car ceux de mon cerveau ne sont plus à la hauteur. Voici ma baby, les dictons de la langue de mon cœur. Wow. De mes poumons, vivre sans toi c'est l'oppression. Ma baby, crois-moi. Sur la première et en compagnie et surtout des experts, notamment parce qu'il est question ce matin du monde associatif, de la gestion des salariés, des bénévoles, parce que c'est pas simple, gérer des conflits. Et puis on parlera aussi du licenciement, notamment. 02 62 99 2000. Première. Bonjour Michel. Michel, oui. Bonjour. Moi, je viens de reprendre la trésorerie d'une association. Oui. Je voulais savoir les déplacements. Si, par exemple, les membres de l'association ont un accident de voiture en allant soit sur leur lieu de bénévolat, si on peut, hein, parce qu'on peut pas appeler ça un lieu de travail. Lieu de mission. Donc, je voulais savoir comment est-ce que l'association est assurée ou doit s'assurer pour prévenir ça, quoi. Et au pire, si jamais il y a un grave accident avec invalidité ou des choses comme ça, ça se passe? Écoutez, Catherine Fontaine qui est avec nous, qui est aussi une présidente d'association, souhaite vous répondre. Allez-y. Eh bien, bonjour monsieur. Bonjour. Ben là, moi, je vous recommande de prendre une assurance responsabilité civile pour couvrir le déplacement des dirigeants et des administrateurs. Si par exemple je casse ma voiture, l'assurance me remboursera ma voiture? Mais ça dépend des clauses. Vous voyez les clauses avec la, les clauses du contrat, et puis après vous pouvez. Parce que responsabilité civile, ça couvre pas grand chose. Ça couvre la responsabilité de l'association si elle commet des fautes, des choses comme ça. Est-ce que ça couvre les membres de l'association en cas d'accident, Votre Michel des Avirons, votre question est très importante, et pour vous répondre, Philippe Gay aussi, qui est commissaire aux comptes. Mm-hmm. Allez-y, Philippe Gay. Oui, bonjour Michel. Donc bonjour. Effectivement, c'est une question que nous avons évoquée lors de la réunion d'hier. Il arrive fréquemment, bien sûr, que des salariés, des bénévoles ou des dirigeants d'associations utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de l'association. Et j'ai cité l'exemple notamment des associations sportives où des parents emmènent d'autres enfants que les leurs sur le lieu de compétition. Et la préoccupation. Pardon ? C'est leur assurance automobile personnelle. Oui, voilà. Alors la préoccupation qu'on doit avoir, elle est de deux ordres. La première, c'est de voir est-ce que premièrement, donc l'assurance du véhicule souscrite par le parent ou le bénévole couvre vous savez, soit le loisir uniquement ou les activités professionnelles, parce que vous avez un niveau de garantie déjà qui peut être différent et qui peut couvrir des risques, des niveaux de risques différents et y compris des risques matériels comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Oui. Néanmoins, il est fortement recommandé que l'association, elle, de son côté, souscrive une garantie complémentaire, mais qui ne va couvrir bien évidemment que la responsabilité civile, qui engagerait la responsabilité de l'association ou du membre et du bénévole dans le cadre de la mission dans laquelle il est pour le compte de l'association et rien d'autre. Hein, c'est bien évidemment si la voiture est cassée par le fait d'un tiers ou autre, c'est la même situation que si vous étiez vous à titre personnel dans le cadre donc d'un sinistre véhicule. Donc ce qu'il faut bien, votre question était vraiment très précise sur ce point-là. Il faut bien dire que la complément de garantie que peuvent souscrire les associations, c'est bien pour couvrir la responsabilité civile propre de l'association en tant qu'organisateur et en tant que cadre de mission qu'elle va donner aux bénévoles pour lui dire tu vas utiliser ta voiture pour le compte de l'association, mais moi je vais garantir cette responsabilité civile, de façon à ce que toi, bénévole, tu ne sois pas enquiquiné inquiété au-delà de ta propre responsabilité en tant que conducteur du véhicule. Mais là, dans le cas où, par exemple, moi je me déplace, j'habite aux environs, l'association est à Saint-Joseph, donc quand je vais à Saint-Joseph, est-ce que je suis couvert par l'association? Justement, cette assurance peut couvrir ça, parce que vous, c'est en tant que dirigeant que vous faites ces déplacements, et cette assurance couvre bien souvent le cas de cette situation, c'est-à-dire que les administrateurs qui vont se déplacer pour venir participer à la vie, à l'organisation de l'association, ça sera couvert à ce titre. Faut que je voie le contrat d'assurance. Oui, il faut voir ça avec votre assureur. Ça s'appelle assurance mission. Souvent, il y a des assureurs qui appellent ça assurance auto-mission. D'accord. Mais il y en a d'autres. Et comme vous êtes expert comptable, est-ce qu'il existe des logiciels gratuits pour les associations pour gérer un peu la comptabilité? La question qu'il fallait poser. Présentation de bilan, des choses comme ça. À ma connaissance, il n'existe pas de logiciel gratuit spécifique association. Et spécifique en plus association pour gérer la comptabilité. Et puis j'allais rajouter que le logiciel, lui, ne gère pas la comptabilité en fait. C'est le comptable ou l'expert comptable que vous allez mettre derrière qui va gérer la comptabilité. Donc c'est pas trop un problème de logiciel. Votre problème, le cas échéant, c'est plutôt de disposer de quelqu'un qui a les compétences pour traiter du sujet. Moi je suis comptable de profession. C'est parfait. Bah, à ce moment-là, effectivement, il faut se retourner vers n'importe quel logiciel de la place. Michel, mais il y en a pas de gratuit. Michel, si vous êtes à l'association et vous êtes au poste de trésorier, c'est ça? Très bien. Et vous étiez comptable avant, c'est ça? Oui. Bon, mais c'est bon, vous avez tous les atouts de votre côté. Oui. Merci, Michel. Merci pour votre émission. Merci à vous, à très bientôt. Il est 11h30 sur la première. Nous avons Jean-Yves de la Possession. Bonjour, Jean-Yves. Oui, bonjour, Rémi. Bonjour, Mire. Bonjour, tous les invités sur le plateau. Bonjour. Tous les auditeurs. Oui, mon inquiétude concernant les associations, là. Ces fameuses associations paramunicipales, ça se crée de façon nombreuse dans le périmètre de 6 mois qui précèdent les élections. Ça s'est utilisé et après c'est la catastrophe. Donc et c'est comme ça, c'est un éternel recommencement. C'était bien souvent pour utiliser des dispositifs mis en place par l'État et pour permettent aussi aux collectivités de se désengager de leurs propres compétences, et après, on retrouve les gens à la rue. Même, on a l'exemple criard, c'est l'exemple des emplois jeunes. Où là, on a incité à créer des associations, des emplois nouveaux et tout. Et après, le dispositif, c'est lié au financement sur les transferts sociaux publics. Et après, c'est du chantage. On a l'exemple, on peut prendre des exemples sur le port, par exemple. Toute l'animation était gérée par une association ADAP. Il y avait l'association Passeport et tout. On change d'équipe majoritaire et on remet tout en cause, y compris au niveau de l'insectarium qu'il y avait au port, là, près de la prison là, dans J'arrive. En fait, votre question, c'est comment pérenniser, en fait, c'est ça? Oui, ma question, c'est... Est-ce qu'il y a un dispositif qui permettrait de pérenniser les emplois associatifs? Et de, peut-être parce de protéger aussi... On a présenté le pont, là, ouais. L'insectarium et tout, et on présente comme si on a créé une nouveauté. Ils ont cassé. Alors, comment pérenniser? Ils ont cassé les abeilles et tout, et là, maintenant, c'est comme si on innove. Des emplois, les gens ont pleuré pour réclamer des subventions aux collectivités pour maintenir la subvention qu'il y avait pour faire vivre cette structure qui était utile pour les élèves et tout. Et maintenant, hier, on présente, voilà, on a innové. Jean-Yves, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais c'est juste, oui, donc la question c'est comment... Est-ce qu'il y a un dispositif qui permettrait de pérenniser ces emplois et de faire respecter les contrats qui ont été surtout respecter les contrats. Merci bonne beaucoup journée. Jean-Yves de la Possession. Marcelino Burel. C'est une question un peu compliquée, et en plus avec des relents politiques. Et donc en gros, il est en train d'expliquer qu'on est un peu dans le cas des associations qui naissent comme des champignons, et comme le principe des champignons, après la pluie, il meurt. Donc c'est embêtant. Mais quand même rappeler que historiquement, il y a eu des vertus à ça, dans le sens où les associations se sont beaucoup développées par le fait qu'il y a eu une espèce de privatisation de certaines compétences, de la puissance publique. Donc le fait que des collectivités aient tendance à proposer ou à soumettre aux associations de porter des dispositifs donc d'intérêt général ou d'intérêt public, ça se voit de plus en plus. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, il faut faire attention, dans cette situation, il y a deux parties. Il y a la puissance publique ou la collectivité ou le politique, on va appeler ça comme on veut, qui vient voir l'association pour proposer une mission. Et il y a l'association, à l'inverse, qui peut venir voir la collectivité pour aussi proposer une mission. Donc il y a bien un moment où on accepte. C'est un contrat. Si j'accepte de porter une mission, je m'engage, je sais pourquoi, je sais dans quelles conditions. Donc si, effectivement, et c'est là le danger par contre, c'est que bien souvent on se retrouve avec des associations qui portent un dispositif qu'ils n'ont pas nécessairement voulu. Et il se retrouve piégé au bout d'un moment par le fait que par la décision politique, en vérité, ne leur appartient pas. Marie de Sainte-Marie qui dit, qui voulait savoir s'il y avait des aides, notamment par la région ou le département, ou lorsque l'on crée une association. À la création en tant que telle, il n'y a pas d'aide. L'aide vient par rapport à la nature de l'activité qu'on mène et si effectivement elle est éligible à un dispositif quelconque. Catherine Fontaine, présidente de l'association En Distraction Sportive et Bénédictine. Vos questions pour nos experts? Allez-y, profitez. Vous avez plein de questions tout à l'heure. Oui, on a fini à l'oubli. En fait, est-ce que les experts comptables, enfin un expert comptable peut suivre une association à la demande? Bien sûr. Oui. C'est un contrat comme un autre, en fait, de prestation. Donc l'association, comme je disais un peu au début de l'émission, c'est celle qui a le plus de contraintes administratives, comptables et financières, parce qu'elle elle est condamnée à la gestion à l'équilibre. Donc elle a plutôt intérêt à avoir des outils de gestion qui soient justement les plus performants. Et ce faisant, si elle n'a pas les moyens d'intérêt pour ça, c'est nettement mieux, oui, qu'elle se retourne vers un cabinet d'expertise comptable. Comme le monsieur disait tout à l'heure, est-ce qu'il existe les logiciels gratuits? Nous, l'association, moi j'ai investi dans un logiciel et malheureusement, depuis 2011, et là on me demande de renouveler la remise à jour. Ça a quand même un coût. Et comme moi, je ne l'utilise pas vraiment. Au début, j'ai essayé d'y entrer, mais bon, comme je fais un peu d'erreurs dedans, avec les chiffres et tout ça, des fois, on se perd un peu. Donc, moi, j'ai à la fin de l'année un comptable qui gère tout ça, voilà, et qui me fait le compte et résultats, les bilans et tout de fin d'année. Et ben, j'aurais souhaité, entre-temps, justement, avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement gérer pour être plus facile en fin d'année. Vous avez déjà un expert comptable qui vient faire le contrôle en fin d'année, il ne faut quand même pas oublier que la mission que vous payez, elle est enveloppée d'une mission qui s'appelle conseil, qui est à géométrie variable et qui ne s'use que si l'on s'en sert. Donc, même si vous payez pour un bilan, vous avez aussi le droit toute l'année de le solliciter sur les différents besoins que vous avez. Non, il le fait gracieusement, merci. Ah, c'est bien. Moi, j'aurais aimé le soulager un peu de ce travail-là de fin d'année. D'accord, quoi, voilà. Ouais. Et après, il faut trouver les fonds pour pouvoir vous solliciter aussi, parce que je sais que ce n'est pas donné non plus. C'est vrai. Voilà, donc un petit soutien, juste. Voilà, vous n'êtes pas la seule dans ce genre de situation, ce petit soutien, c'est important. Merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous ce matin pour en parler. C'est vrai qu'on pourrait passer des heures à parler de la gestion des acomptes et des avances, la délégation de pouvoir, mais vous reviendrez sur la première. Marcelino Burel, président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Philippe Gay, commissaire aux comptes, président de la commission, association et fondation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Danny Hove, directeur de l'association Incube GE 974, et puis Catherine Fontaine, donc présidente d'association. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion Première. Merci. Situation notre l'amour. nobody knows. Nobody knows but me that I sometimes cry. If I could pretend that I'm asleep when my tears start to fall, I peek out from behind these walls. I think nobody knows. Nobody knows. No, no. Nobody likes. Nobody likes to lose that inner voice. The one I used to hear before my life made a choice. But I think nobody knows. No, no. Nobody knows. Notre amitié a-t-elle pris feu? ma parano. Je l'ai aimé un soir avant que tu lui mettes l'anneau. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit dans les yeux? Parce que je ne t'ai jamais vu aussi heureux. Tu es mon frère, plus aucune femme entre nous deux. Notre amitié m'est plus chère que ses bons yeux. Laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais miresmas, miresmas. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Tu juegas con el peligro. Non mais miresmas, miresmas. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais miresmas, miresmas. Je t'en supplie. Notamment avec le conseil départemental qui vous informe que la route départementale 52, route de Grand-Ilette, secteur Chemin-Ibon, pour permettre des travaux de nettoyage de chaussée suite à la chute du bloc rocheux, des coupures de la circulation n'excédant pas les 45 minutes seront nécessaires donc depuis 11h ce matin jusqu'à 17h ce soir. Par ailleurs, un alternat est mis en place pendant la durée des travaux. Côté réunionnais, réunionnaise, Talanila, encore une fois, l'Office du tourisme de Rodrigue lui donne à votre rendez-vous le 25 août, pont de mer Saint-Pierre, de 10h à 20h, le 26 août, 10h à 20h, au marché de Saint-Paul, et le 27, de 13h à 16h, la salle de fête du 12e kilomètre, le Tampon. Bien nombreux, découvrez notre culture et notre cuisine locale, animation assurée par Ban Rodrigue, y compris au Bergade. Première. Il est midi moins 10 sur la première, les avis de décès. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Monsieur Narayana Aurélien. Monsieur Narayana Aurélien, décès survenu hier à l'âge de 82 ans. Le convoi sortira de son domicile au 53 lotissement Brafusi à Saint-Benoît. Demain, à 13h, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît. À 11h, l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Mademoiselle Solé, Marie-Charlette, dite Lélette. Mademoiselle Solé, Marie-Charlette, dite Lélette, la fille de Madame Alamelou, Augustine. Décès survenu hier à l'âge de 64 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima. Aujourd'hui, la bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima à 15h, l'inhumation au cimetière de Prima. Décès de Monsieur Faubourg, Jackie Marcel. Monsieur Faubourg, Jackie Marcel, décès survenu hier à l'âge de 54 ans. Une installation a lieu au centre funéraire sud à partir de demain, donc 8h30. La bénédiction aura lieu au centre funéraire demain à 14h30. L'inhumation au cimetière de Vincent Dau à Saint-Joseph. Décès de Madame Grondin, Christiane Henriette, veuve Bénard-Émile. Madame Grondin, Christiane Henriette, veuve Bénard-Émile. Décès survenu hier à l'âge de 90 ans. Le convoi sortira du domicile de sa fille au 12 rue Dupuis-Langevin. Ce jour, à 15h, la bénédiction aura lieu en l'église de Langevin à 16h, l'inhumation au cimetière de Vincent Dau. Décès de Adrien Joseph Désiré Marius. Adrien Joseph Désiré Marius, décès survenu hier à l'âge de 59 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 98, chemin Fleur Jaune, au Guillaume-Saint-Paul. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction se fera en l'église de Saint-Amand du Guillaume à 16h, l'inhumation au cimetière du Guillaume à Saint-Paul. Décès de Madame Mansart, née Lagourde Marie-Léone. Madame Mansart, née Lagourde Marie-Léone. Décès survenu le 24 août à Tanrouge, Saint-Gilles-Léo, à l'âge de 98 ans. Le convoi sortira au 40 chemin Tanrouge à Saint-Gilles-Léo. aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Gilles-Léo à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Gilles-Léo à Villèle. Décès de M. Ivanhoé Jean-Christian. M. Ivanhoé Jean-Christian, décès survenu le 24 août à l'âge de 68 ans. Le convoi sortira de son domicile au 44 rue Pablo Picasso, cité Couture au port. C'est demain à 13h30. La bénédiction aura lieu en l'église de la ZUP au port à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière paysager du port. Décès de Madame Abrousse, Marie-Christine née Chantec. Madame Abrousse, Marie-Christine née Chantec, décès survenu hier à l'âge de 88 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente du Tampon aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en la chapelle ardente du Tampon à 14h30. L'inhumation au cimetière au centre funéraire sud à 16h30. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Runi Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Et dans 5 minutes, le journal de la première, voici Dépêche Mode. Enjoy the silence. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Back on. Merci d'écouter Réunion Première. Bon appétit à tous, il est midi. Le journal de Réunion Première, Bruce Régent, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. 17% de touristes en plus par rapport à la même période l'an passé. Face à la grisaille du début d'année, l'éclipse serait un premier rayon de soleil avant un second semestre forcément plein d'espoir. L'atout de l'île malgache de Sainte-Marie, ce sont les baleines. Pour aller les voir sur place, un vol direct partira de Pierrefonds. Première rotation commerciale la semaine prochaine. Le personnel au sol, lui, débarque aujourd'hui dans le sud. Toucher à la surrémunération, ce serait une erreur économique au nom du gouvernement. Eric Abaredge fait la mise au point. Les préconisations du rapport Lurel ne sont pas une vérité absolue. Dans ce journal, nous irons à Mayotte voir comment se passe la rentrée après l'épisode des expulsions et des relogements d'immigrés comoriens. Et puis une vie de chien, ça peut être une vie saine et sportive. Les toutous aiment faire de l'exercice et de la randonnée, mais pas n'importe comment. Pour fêter la journée mondiale du chien, pourquoi ne pas emmener Médor en rando? 190 000 touristes extérieurs au département, c'est le bilan des 6 premiers mois de l'année pour l'IRT. L'île de la Réunion Tourisme dévoile les chiffres en ce moment même, des chiffres plus précis, ces chiffres du premier semestre, des chiffres en baisse par rapport à l'an dernier. Entre janvier et juin 2015, la Réunion avait accueilli 7 000 visiteurs de plus, Nadine Bachelot. Alors, au premier semestre 2016, 190 000 touristes ont visité la Réunion, un chiffre en léger recul par rapport à 2015, où l'IRT avait enregistré 197 400 touristes sur la même période. Donc, 190 000 touristes, je vous le débrouille, et surtout un mois très fort, à savoir le mois de janvier, avec 41